Gustave Flaubert, Georges Sand. Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Adaptation, Hélène Bleskin. Premier épisode. L'année 1863. Lorsque leur amitié se noue, Georges Sand a 59 ans et Flaubert 42. Georges Sand avait défendu Madame Bovary dans son feuilleton du Courrier de Paris en 1857. En novembre 1862, il lui envoie Salammbô. Elle fait paraître un article élogieux. Il lui écrit pour la remercier, elle lui répond. C'est la première lettre de Georges Sand à Gustave Flaubert. Nohant, 28 janvier 1863. Mon cher frère, il ne faut pas me savoir gré d'avoir rempli un devoir. Toutes les fois que la critique fera le sien, je me tairai, parce que j'aime mieux produire que juger. Mais tout ce que j'ai lu sur Salammbô, avant de lire Salammbô, était injuste ou insuffisant. J'aurais regardé le silence comme une lâcheté ou comme une paresse, ce qui se ressemble beaucoup. Nous nous connaissons bien. Venez donc me voir quand vous aurez le temps. Ce n'est pas loin. J'y suis toujours. Mais je suis âgée, n'attendez pas que je sois en enfance. Tirez-moi d'intrigue. J'ai reçu en septembre une plante sèche intéressante dans une enveloppe anonyme. C'est votre écriture, à ce qu'il me semble aujourd'hui. Mais c'est invraisemblable. D'où sauriez-vous que je m'occupe assez minutieusement de botanique? Ce que je garde, moi, de vos remerciements, c'est le ton de l'amitié, et cela, je sais que je le mérite. Tout à vous. Georges Sand. Paris, 31 janvier 1863. Chère madame, la bonté de votre cœur m'a attendri et votre sympathie m'a rendu fier. Votre lettre que je viens de recevoir ajoute encore à votre article et le dépasse. Et je ne sais que vous dire si ce n'est que je vous aime bien franchement. Ce n'est point moi qui vous ai envoyé au mois de septembre une petite fleur dans une enveloppe. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'à la même époque, j'ai reçu de la même façon une feuille d'arbre. Quant à votre invitation si cordiale, je ne vous réponds ni oui ni non, en vrai normand. J'irai peut-être un jour vous surprendre cet été, car j'ai grande envie de vous voir et de causer avec vous. Mille bonnes tendresses. Je vous baise les deux mains et suis tout à vous, Gustave Flaubert, boulevard du Temple 42, ou Croisset, près de Rouen. P.S. Il me serait bien doux d'avoir votre portrait pour l'accrocher à la muraille de mon cabinet, à la campagne où je passe souvent de longs mois tout seul. La demande est-elle indiscrète ? Sinon, mille remerciements d'avance. Nohant, 10 février 1863. Mes portraits sont rares. Je n'ai ici que de mauvaises épreuves. Quand j'irai à Paris, je choisirai moi-même et je vous enverrai ce qu'il y aura de présentable. Et merci de l'accueil que vous voulez bien faire à ma figure insignifiante en elle-même, comme vous savez bien. Ce qu'il y a de meilleur est dans la tête pour comprendre et dans le cœur pour apprécier. Paris, 15 mars 1864. Cher Flaubert, je regrette de ne pas vous avoir dit adieu, mais comme je reviens bientôt, j'espère que vous ne m'aurez pas oublié et que vous me ferez lire aussi quelque chose de vous. Vous avez été si bon et si sympathique pour moi à la première représentation de Villemer que je n'admire plus seulement votre admirable talent. Je vous aime de tout mon cœur. Paris, mars-mai 1866, dimanche matin. C'est demain lundi, jour au restaurant de Magny. Cher maître, j'y serai, bien entendu. D'ici là, je vous embrasse. Palaiso, 14 mai 1866. Cher ami, je viens vous dire que je désire vous dédier le roman « Le dernier amour » qui va paraître. Je veux savoir si vous m'autorisez à mettre simplement en tête de ma première page « À mon ami Gustave Flaubert. J'embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette. » Paris, 15 mai 1866, mardi matin. Commandons, mais avec plaisir, avec reconnaissance et attendrissement, cher maître. Mais il me faut remettre le voyage à Palaiseau au mois d'août parce que je m'en retourne au champ mardi prochain. Ma pauvre vieille maman me réclame à grands cris. J'ai lu votre Monsieur Sylvestre, d'un seul coup, et l'ai orné de notes marginales selon ma coutume. Vous avez bien raison de m'aimer. ce n'est que rendu. Je vous serre les deux mains, vous baise sur les deux joues et suis votre Gustave Flaubert. Palaiseau, mercredi 16 mai. Eh bien, mon grand ami, vous vous en allez et que dans 15 jours je vais m'en aller aussi en Berry. Faites donc un effort pour trouver le temps de venir demain jeudi. Apportez l'exemplaire. Mettez-y toutes les critiques qui vous viennent. Ça me sera très bon. On devrait faire cela les uns pour les autres, comme nous faisions Balzac et moi. Ça ne fait pas qu'on se change l'un l'autre, au contraire, car en général, on s'obstine davantage dans son moi. On le complète, on l'explique mieux, on le développe tout à fait. Et c'est pour cela que l'amitié est bonne, même en littérature, où la première condition d'une valeur quelconque est d'être soi. Au revoir et merci pour la permission fraternelle de dédicace. Croisset près de Rouen, 5 juillet. Cher maître, je sais par des bourgeois que le roman qui m'est dédié vient de paraître en revue. Je vous en remercie encore très sincèrement. J'attendrai pour le lire que tout soit paru. Un livre doit être avalé d'une bouchée, puis relu. Je vous souhaite tout ce que vous désirez. Je vous aime et vous embrasse. Nohant, 31 juillet. Mon brave cher camarade, je pars d'ici le 2. Quelle bonne chance si je vous trouvais un dîner du lundi suivant. Je vous embrasse de tout cœur dans cette espérance. Paris, boulevard du Temple 42, samedi matin, 4 août. Cher maître, que je sois au prochain Magny, j'en doute. Mais je serai certainement à la première de votre pièce. Je vous embrasse. Paris, 22 août, mercredi soir. Mon bon camarade et ami, je vais voir Alexandre Dumas-fils à Saint-Valéry samedi soir. Je reviendrai mardi à Rouen et j'irai vous voir. Dites-moi comment on s'y prend. Je vous embrasse. Croisset près de Rouen, vendredi 24 août. Cher maître, voici ce qu'il faut faire. En partant de Saint-Valéry à 9h moins le quart, vous arriverez à Rouen à 1h. Là, vous me trouverez à la portière de votre wagon et vous n'aurez plus à vous mêler de rien. Je vous baise les deux mains. Paris, vendredi 31 août. Embrassez d'abord pour moi votre bonne mère et votre charmante nièce. Je suis vraiment touchée du bon accueil que j'ai reçu dans votre milieu de chanoine, où un animal errant de mon espèce est une anomalie qu'on pouvait trouver gênante. Au lieu de ça, on m'a reçue comme si j'étais de la famille, et j'ai vu que ce grand savoir-vivre venait du cœur. J'ai été vraiment heureuse chez vous. Et puis, toi, tu es un brave et bon garçon, tout grand homme que tu es, et je t'aime de tout mon cœur. J'ai la tête pleine de Rouen, de monuments, de maisons bizarres. Mais votre maison, votre jardin, votre citadelle, c'est comme un rêve, et il me semble que j'y suis encore. J'ai trouvé Paris tout petit hier, en traversant les ponts. J'ai envie de repartir, mais il faut courir aux enfants qui appellent et montrent les dents. Je vous embrasse. J'ai oublié de prendre 3 feuilles de tulipier. Il faut me les envoyer dans une lettre. C'est quelque chose de cabalistique. Croisset, samedi 11h, 1er septembre 1866. Comme elle est gentille et bonne, votre lettre de ce matin, cher maître. Elle continue pour moi le regard d'adieu que vous m'avez donné avant-hier dans le wagon. On ne fait que parler de vous depuis votre départ. Vous avez oublié un châle de dentelle. Répondez-moi un petit mot et on vous l'expédiera tout de suite. Je vous embrasse tendrement. Paris, dimanche soir, 2 septembre. Renvoyez-moi le châle de dentelle. Mon fidèle portier me le reverra où je serai. Vous m'écrivez une bonne chère lettre que j'embrasse. N'oubliez pas mes 3 feuilles de tulipier. L'éditeur Lévy me promet de vous envoyer mon œuvre complète. C'est énorme. Vous fourrez ça sur des rayons dans un coin et vous y puiserez quand le cœur vous en dira. Croisset, mercredi 12 septembre. J'ai reçu le paquet de livres. Je vous remercie bien de ce cadeau. On vous admirait et on vous aimait. Vous voulez qu'on vous adore. Je suis seul. Mon feu brûle, la pluie tombe à flots continuels. Je travaille comme un homme, je pense à vous et je vous embrasse. Nohant, 21 septembre. Je viens de courir pendant 12 jours en Bretagne avec mes enfants, et en arrivant chez nous, je trouve vos deux lettres, ce qui, ajouté à la joie de retrouver ma petite fille Aurore, fraîche et belle, me rend tout à fait heureuse. Et toi, mon bénédictin, tu es tout seul dans ta ravissante chartreuse, travaillant et ne sortant jamais. Vous êtes un être très à part, très mystérieux, doux comme un mouton avec tout ça. J'ai eu de grandes envies de vous questionner, mais un trop grand respect de vous m'en a empêché, car je ne sais jouer qu'avec mes propres désastres, et ceux qu'un grand esprit a dû subir pour être en état de produire me paraissent choses sacrées qui ne se touchent pas brutalement ou légèrement. Sainte Beuve, qui vous aime pourtant, prétend que vous êtes affreusement vicieux. Moi, je présume que l'homme d'intelligence peut avoir de grandes curiosités. Je ne les ai pas eues, faute de courage. J'ai mieux aimé laisser mon esprit incomplet. Ça ne regarde, et chacun est libre de s'embarquer sur un grand navire à toute voile ou sur une barque de pêcheurs. Mais je bavarde et tu es en train de travailler. Je t'embrasse de tout cœur. Croisset, samedi soir, 22 septembre. Moi, un être mystérieux, cher maître Alondon. Je me trouve au contraire d'une platitude écœurante, et je suis parfois bien ennuyé du bourgeois que j'ai sous la peau. Sainte-Beuve, entre nous, ne me connaît nullement, quoi qu'il dise. Si vous voulez ma confession, je vous la ferai tout entière. Le sens du grotesque m'a retenu sur la pente des désordres. Je maintiens que le cynisme confine à la chasteté. Voici le programme que je vous propose. Ma maison va être encombrée et incommode pendant un mois. Mais vers la fin d'octobre, rien ne vous empêchera, j'espère, de revenir avec moi. Vous aurez votre chambre avec un guéridon et tout ce qu'il faut pour écrire. Est-ce convenu ? J'ai lu d'une traite les 10 volumes de l'histoire de ma vie dont je connaissais les 2/3 environ, mais par fragments. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la vie de couvent. J'ai sur tout cela quantité d'observations à vous soumettre qui me reviendront. Êtes-vous pour longtemps à Nohant ? Que faut-il vous souhaiter ? Moi, je me souhaite de vous revoir. À bientôt, donc. Je vous baise les mains tendrement. Nohant, La Châtre, Indre, 28 septembre. C'est convenu, chers camarades et bon ami, mais à la condition que vous ne vous dérangez pas de votre chambre. Je dors partout dans les cendres ou sous un banc de cuisine, comme un chien de basse-cour. Tout est reluisant de propreté chez vous, donc on est bien partout. S'il fait beau, je vous forcerai à courir. S'il pleut toujours, nous nous cuirons les os des guiboles en nous racontant nos peines de cœur. J'ai emballé et mis à grande vitesse une bonne épreuve du dessin de couture et une épreuve photographique d'un dessin de Marshall. Mais d'année en année, on change. L'âge donne sans cesse un autre caractère à la figure des gens qui pensent et qui cherchent. C'est pourquoi leur portrait ne leur ressemble pas longtemps. Je rêvasse tant et je vis si peu que je n'ai parfois que 3 ans. Mais le lendemain, j'en ai 300 si la rêverie a été noire. N'est-ce pas la même chose pour vous ? D'où venons-nous et où allons-nous ? Tout est possible puisque tout est inconnu. Mes enfants, qui sont comme moi vos grands admirateurs, vous envoient leurs compliments et je vous embrasse au front puisque Sainte-Beuve a menti. Avez-vous du soleil aujourd'hui ? Ici, on étouffe. Le pays est beau. Quand y viendrez-vous ? Croisset, vendredi soir, 29 septembre. Je n'éprouve pas, comme vous, ce sentiment d'une vie qui commence, la stupéfaction de l'existence fraîche et éclose. Il me semble au contraire que j'ai toujours existé, et je possède des souvenirs qui remontent au pharaon. J'ai été batelier sur le Nil, entremetteur à Rome du temps des guerres puniques, puis rhéteur grec dans Subure, quartier mal famé, où j'étais dévoré de punaises. Bien des choses s'expliqueraient si nous pouvions connaître notre généalogie véritable. Ne trouvez-vous pas, au fond, que depuis 89 on bat la breloque ? Au lieu de continuer par la grande route qui était large et belle, on s'est enfui par les petits chemins et on patauge dans les fondrières. Avant d'admirer Proudhon, si on connaissait Turgot. Ah, vous croyez, parce que je passe ma vie à tâcher de faire des phrases harmonieuses en évitant les assonances, que je n'ai pas moi aussi mes petits jugements sur les choses de ce monde ? Mais hélas oui ! Et même je crèverais enragé de ne pas les dire. Mais assez bavardé. Je vous ennuierai à la fin. Je vous embrasse très fort, cher maître. Nohant, lundi soir, 1er octobre. Cher ami, vous êtes heureux d'avoir des souvenirs si nets des autres existences. Beaucoup d'imagination et d'érudition. Voilà votre mémoire. Je vous ai entendu dire « Je n'écris que pour 10 ou 12 personnes ». Mais vous n'étiez pas le seul à le dire, c'était l'opinion du lundi, chez Magny. J'ai protesté intérieurement. On écrit pour tout le monde, pour tout ce qui a besoin d'être initié. Quand on n'est pas compris, on se résigne et on recommence. Quand on l'est, on se réjouit et on continue. Est-ce depuis 89 qu'on patauge? Ne fallait-il pas patauger pour arriver à 48 où l'on a pataugé plus encore, mais pour arriver à ce qui doit être? Vous me direz comment vous l'entendez, et je relirai Turgot pour vous plaire. À présent que je ne suis plus une femme, si le bon Dieu était juste, je deviendrais un homme, j'aurais la force physique et je vous dirais « Allons faire un tour à Carthage ou ailleurs ». Mais voilà, on marche à l'enfance, qui n'a ni sexe ni énergie. Et c'est ailleurs, bien ailleurs, qu'on se renouvelle. Où ? Je saurai ça avant vous. Et si je peux, je reviendrai vous le dire en songe. Paris, boulevard du Temple, 42, 1er novembre, jeudi midi. Cher maître, ma mère nous attend toujours samedi prochain. Donc, comme le train express part à 1 heure, très précise, je serai sur le trottoir à 12h30. C'est convenu, pas n'est besoin de réponse. Mille tendresses. Paris, samedi soir, 10 novembre. En arrivant à Paris, j'apprends une triste nouvelle. Hier soir, pendant que nous causions, mourait mon ami Charles Duverrier, le plus tendre cœur et l'esprit le plus naïf. Je vais dormir toute cassée. J'ai pleuré comme une bête toute la soirée. Et je vous embrasse d'autant plus, cher ami. Aimez-moi plus qu'avant, puisque j'ai de la peine. Croisset, nuit de lundi 12-13 novembre. Vous êtes triste, pauvre ami et cher maître. C'est à vous que j'ai pensé en apprenant la mort de Duverrier, comme nous en avons dans le cœur de ces morts, chacun de nous porte en soi sa nécrologie. Je suis tout dévissé depuis votre départ. Tout le monde ici vous chérit. Je ne sais pas quelle espèce de sentiment je vous porte, mais j'éprouve pour vous une tendresse particulière et que je n'ai ressentie pour personne jusqu'à présent. Nous nous entendons bien, n'est-ce pas? C'était gentil. C'était même si bon que je désire n'en pas faire jouir les autres. Le souvenir de votre présence ici est pour nous deux, pour moi. Tel est mon égoïsme. Alors je baise votre belle et bonne mine. Nuit de mardi à mercredi, Paris, 13-14 novembre. J'ai été malade 2 jours, je suis guérie. Votre lettre m'apporte du bien au cœur. J'ai été très heureuse pendant ces 8 jours auprès de vous. Aucun souci. Et votre belle et franche figure qui a quelque chose de paternel. Là, je n'y fais rien. On sent en vous une protection de bonté infinie. Et un soir, que vous avez appelé votre mère ma fille, il m'est venu 2 larmes dans les yeux. Il m'en a coûté de m'en aller, mais je vous empêchais de travailler. Et puis, une maladie de ma vieillesse, c'est de ne pas pouvoir tenir en place. J'ai peur de m'attacher trop et de lasser. Les vieux doivent être d'une discrétion extrême. De loin, je peux vous dire combien je vous aime sans craindre de rabâcher. Vous, un des rares restés impressionnables, sincères, amoureux de l'art, pas corrompus par l'ambition, pas grisés par le succès. Bon courage au roman. Il est exquis. Mais c'est drôle. Il y a tout un côté de vous qui ne se révèle ni ne se trahit dans ce que vous faites. Quelque chose que vous ignorez probablement. Ça viendra plus tard, j'en suis sûre. Me voilà toute seule, dans ma maisonnette. Et vous, mon ami, Que fais-tu à cette heure? La pioche aussi, seule aussi? Ça doit être beau la nuit là-bas. Y penses-tu quelquefois au vieux troubadour de pendule d'auberge qui toujours chante et chantera le parfait amour? Vous n'êtes pas forcé de m'écrire quand tu n'es pas en train. Pas de vraie amitié sans liberté absolue. Croisset, mardi 5h, 27 novembre. Vous êtes seul et triste là-bas, je suis de même ici. D'où cela vient-il, ces accès d'humeur noire qui vous envahissent par moments? Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que de rester toute une journée la tête dans ses deux mains, à pressurer sa malheureuse tête pour trouver un mot. L'idée coule chez vous largement, incessamment, comme un fleuve. Chez moi, c'est un mince filet d'eau, il me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une cascade. Vous lui demandez s'il pense quelquefois à son vieux troubadour de pendule, mais je crois bien, et il le regrette. C'était bien gentil nos causeries nocturnes. Il y avait des moments où je me retenais pour ne pas vous bécoter comme un gros enfant. Adieu. Tâchez de vous tenir en sérénité. Vous allez revoir bientôt votre petite fille, cela vous fera du bien. Croisset, 5-6 décembre, nuit de mercredi. Vous ne me dites jamais ce que vous faites. Je ne suis pas du tout surpris que vous ne compreniez rien à mes angoisses littéraires. Je n'y comprends rien moi-même. J'éprouve une répulsion invincible à mettre sur le papier quelque chose de mon cœur. Je trouve même qu'un romancier n'a pas le droit d'exprimer son opinion sur quoi que ce soit. Adieu. Il est tard, j'ai la tête cuite. Je vous embrasse tendrement. Paris, 7 décembre. Ne rien mettre de son cœur dans ce qu'on écrit? Je ne comprends pas du tout. Il me semble qu'on ne peut pas y mettre autre chose. Est-ce qu'on peut séparer son esprit de son cœur? Est-ce que l'être peut se scinder? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Vous répondrez quand vous aurez le temps. Croisset, 15-16 décembre, nuit de samedi. Je me suis mal exprimé en vous disant qu'il ne fallait pas écrire avec son cœur. J'ai voulu dire ne pas mettre sa personnalité en scène. Je crois que le grand art est scientifique et impersonnel. Il faut par un effort d'esprit se transporter dans les personnages et non les attirer à soi. Et où en êtes-vous maintenant? À Paris ou à Nohant? Paris, 17 décembre, lundi. Votre vieux troubadour est encore malade comme un chien aujourd'hui. Ça ne l'empêchera pas d'aller au Magny de ce soir. Il ne pourrait pas claquer en meilleure compagnie. Encore qu'il préféra le bord d'un fossé au printemps. Tout va bien d'ailleurs et je pars pour Nohant samedi. Je vous aime, cher ami frère. Croisset, jeudi 27 décembre 1866. Eh bien, cher maître, allez-vous mieux depuis que vous êtes à Nohant? Qu'est-ce qu'il vous faut vous souhaiter pour 1867? D'abord tout et puis le reste. Je n'ai absolument rien à vous dire, vous savez bien, si ce n'est que je m'ennuie de ne pas vous voir. Voilà tout. Ne vous ayant pas près de moi, je vous lis, ou plutôt relis. J'ai pris Consuelo, que j'avais dévoré jadis. J'en suis de rechef charmé. Je ne peux mieux vous comparer qu'à un grand fleuve d'Amérique. Énormité et douceur. Adieu. Je me sens tellement stupide que j'ai peur de vous assommer. Donc je m'arrête. Donnez-moi de vos nouvelles et pensez à moi quelquefois. Je vous embrasse tendrement et suis votre vieux Gustave Flaubert. C'était le premier épisode de Gustave Flaubert, Georges Sand, Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Avec Olivier Clabrie, Gustave Flaubert, Chantal Neuwirth, Georges Sand et la voix de Leslie Lipkins. Musique originale et piano, Quentin Sirjac. Adaptation, Hélène Bleskin. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Laurence Courtois. Remerciements à Anne-Lise Signoret pour la documentation.